Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le ministre des Finances confirme les informations faisant état des vignettes volées au sein de l'Office burundais des recettes. C'était lors d'une émission publique de ce vendredi. Il a ajouté qu'aujourd'hui le marché de les confectionner est dans les mains de Hop Design du Burundi. Vous aurez les détails. Toujours dans cette émission, le ministre de la Justice a rappelé au commissariat judiciaire que la détention sans dossier est strictement interdite. Mireille Kanyang nous en dira davantage. Et le président de l'Association burundaise des consommateurs du Burundi, Abuko, trouve que la transformation des objets en plastique en d'autres objets qui peuvent être utilisés peut constituer une source de revenus. C'était lors d'une réunion de sensibilisation sur la gestion efficiente des déchets plastiques dans le cadre de l'économie circulaire de ce vendredi. Vous suivrez les explications de Pierre Ndouayo. Et on a actualité internationale, le président des États-Unis Joe Biden a annoncé la poursuite de la construction du mur à la frontière mexicaine. Son secrétaire à la sécurité intérieure explique qu'il y a un besoin aigu de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière afin d'empêcher les entrées illégales sur le territoire. Voilà pour le sommaire de Arebingabide. Je suis à la présentation. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Tout de suite, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Le ministre des Finances confirme les informations faisant état des vignettes volées au sein de l'Office burundais des recettes OBR. Au cours d'une émission publique de ce vendredi, le ministre annonce que certains employés de l'OBR et commerçants sont dans les mains de la justice pour des enquêtes approfondies. Le ministre indique que le marché de confectionner les vignettes est aujourd'hui dans les mains de Hope Design du Burundi, une organisation estimée moins chère par rapport à l'ancienne organisation chinoise. S'agissant des inquiétudes comme quoi certains commerçants ont déjà utilisé ces nouvelles vignettes plus d'une fois, Audace Nyonzima indique qu'il s'agit d'une fraude fiscale qui se présentait même auparavant. Suivez. Le marché des vignettes était auparavant dans les mains d'une entreprise chinoise. De telles vignettes ont des spécificités qui n'exigent pas la publicité des marchés irrelatifs. C'est vrai, le code des marchés publics prévoit différents types de marchés, à savoir le gré à gré, l'entente directe, mais aussi des marchés qui nécessitent une publicité. Les vignettes ont une certaine particularité. C'est pour cette raison que le marché a été octroyé par entente directe. Nous avons abandonné les Chinois dans le but d'encourager les entreprises burundaises, mais aussi l'organisation chinoise était plus disant par rapport à la burundaise. Dire que les vignettes peuvent être utilisées plus d'une fois, nous qualifions cela de fraude fiscale. Et auparavant, de tels cas se présentaient malgré la complexité des spécificités. Les fraudeurs gardent leurs astuces. Mais nous avons le devoir de mettre beaucoup plus de performances pour une meilleure protection. Le problème est que des fois, de fausses vignettes peuvent être confectionnées. Concernant les informations par rapport à des vignettes volées au sein de l'OBR, c'est vrai, les employés et commerçants impliqués sont dans les mains de la justice pour pouvoir établir la responsabilité conformément à la loi. Audace Nyonzima était traduit en français par Alain Désiré Ukeneza. Lors de cette émission publique, le ministre de la Justice a rappelé au commissariat judiciaire que la détention sans dossier est strictement interdite. De son côté, le ministre des Infrastructures, Dieudonné Dukundane, n'a pas été clair sur la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Plus de détails avec Mireille Kanyang. Lors de cette émission, animée pour la première fois par le Premier ministre et son gouvernement, le ministre de la Défense, Alain Tribert Mutabazi, a fait savoir que la loi régissant les anciens combattants sera mise en œuvre sous peu. Concernant la question des anciens combattants, Je commencerai par présenter des esquisses car on n'a pas respecté le rendez-vous qu'on avait donné. On avait promis que la loi qui les concerne allait être mise en place, mais en vain. Nous les rassurons qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour qu'elle soit mise en place. J'espère qu'ils ont entendu ce que le conseil de ministre a décidé. Ce dernier avait posé des conditions pour que cette loi soit mise en place. Nous avons déjà fait des calculs. Maintenant, c'est du ressort du ministère des Finances de chercher des fonds. La reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura a également été soulevée par la presse. Le ministre des Infrastructures, Dieudonné Dukundane, a répondu que des études sur la maquette de ce marché, qui sera construit de façon moderne, sont en cours. À propos de l'ancien marché central, c'est vrai, c'est une question épineuse pour beaucoup de personnes. Ce que nous avons fait, c'est d'élaborer un nouveau plan de construction. Vous saurez que le nouveau marché ne sera pas construit comme l'ancien. Nous allons le faire de façon moderne. Nous avons des experts en construction. Ils nous ont donné les premiers rapports. Nous espérons qu'ils pourront nous donner le deuxième rapport après 2 semaines. Le ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a rappelé aux officiers de la police judiciaire qu'il est strictement interdit d'emprisonner des gens sans dossier. Quant à la question relative aux prisonniers qui ne seraient pas soignés, le ministre de la Justice a fait savoir que ce ne sont pas les prisonniers qui choisissent les structures de santé. Quand ils ont été emprisonnés, c'est parce qu'ils étaient accusés de quelque chose. Ce ne sont pas eux qui disent « on veut se faire soigner ici ou là-bas » au moment où leurs responsables ne se sont pas déclarés incapables de les soigner. La question sur les détenus acquittés mais qui restent en prison a en outre fait objet d'inquiétude des journalistes. Le ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a indiqué que la justice doit se conformer aux exigences du Code de procédure pénale ainsi que la loi régissant la Cour suprême. La sécurité de la personne et celle publique doit être prise en compte, nuance-t-elle. Mireille Kanyangi, mobiliser les femmes leaders et autres parties prenantes comme acteurs de changement en matière de la planification familiale sont certains des thèmes qui seront développés lors de la 4e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders prévu du 9 au 11 octobre en mairie de Bujumbura. Cela a été dit ce vendredi par le secrétaire exécutif au sein de l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi. Jean Bosco Gilkushaka a fait savoir que les participants vont partager les expériences entre les pays en matière de planification familiale. Suivez-le. L'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi, OPDD Burundi en cycle, organise un forum de haut niveau de sensibilisation et mobilisation ciblant les femmes leaders de divers horizons sur le thème central, la contribution de la planification familiale pour l'atteinte d'un bon état nutritionnel et du dividende démographique. Ce forum se tiendra dans la salle des conférences 6 à Kiriri en date du 9 au 11 octobre et connaîtra la participation des premières dames de certains pays d'Afrique, des amis du Burundi, des représentants régionaux des organisations du système des Nations Unies et des organisations internationales. Les participants auront l'opportunité d'explorer les liens étroits entre la planification familiale, la sécurité alimentaire et la nutrition et le dividende démographique, mais aussi de débattre sur les stratégies efficaces pour promouvoir ces domaines. La planification familiale est l'un des moyens essentiels pour permettre aux couples de prendre des décisions éclairées concernant la santé reproductive et la vie familiale en favorisant l'accès à ces services de planification familiale de qualité. Les objectifs de ce forum sont de mobiliser les femmes leaders et autres parties prenantes pour mieux percevoir les interrelations entre la planification familiale, la sécurité alimentaire et la nutrition et le dividende démographique. Partager les expériences entre les pays en matière de planification familiale, sécurité alimentaire et nutrition et du dividende démographique. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro en ligne, c'est sur www.isanganiro.org. La transformation des objets en plastique en d'autres objets qui peuvent être utilisés peut constituer une source de revenus. Propos de Pierre Ndouaille, au président de l'Association burundaise des consommateurs du Burundi à Buko, lors d'une réunion de sensibilisation sur la gestion efficiente des déchets plastiques dans le cadre de l'économie circulaire de ce vendredi. C'est au moment où cette semaine est dédiée à l'environnement. Il affirme que cela constitue un double bénéfice. Écoutez. Nous avons pris le thème de la gestion efficiente des déchets plastiques dans le cadre d'une économie circulaire pour le développement durable. Et c'est pour essayer d'échanger les idées avec toutes les parties prenantes pour voir la façon dont les déchets plastiques peuvent être traités efficacement et au lieu d'être un obstacle à la vie humaine et à l'environnement, que ça constitue des ressources, de revenus aussi bien pour la population que pour le gouvernement dans le cadre de ce qu'on appelle économie circulaire, c'est-à-dire la transformation de ces déchets plastiques dans des objets qui peuvent être utilisés efficacement et en luttant justement contre l'environnement mais aussi en protégeant la santé de la population. Et la plus-value, c'est que d'abord en essayant de transformer ces déchets en plastique, au cadre de l'économie circulaire justement, vous savez à titre d'illustration qu'à l'aide des sachets, on peut fabriquer des pavés et les fabricants de ces pavés, il faut rentrer des revenus, ils payent des taxes, comme ça, les ménages, ils en profitent. Comme ça, l'État aussi en profite par les taxes, mais aussi la population en général en profite parce que la santé est préservée, l'environnement est aussi préservé. Le danger est vraiment évident. Et vous savez, par exemple, tous les déchets, y compris les déchets plastiques qui ne se transforment même pas, ils s'acheminent tous dans le lac Tanganyika. Alors que le lac Tanganyika, vous savez l'utilité qu'il a aussi bien pour l'alimentation, le poisson du lac Tanganyika qui est réputé être de bonne qualité, donc il sera menacé par ces déchets plastiques. Et l'eau aussi que la population de la ville de Bujumbura et ses environs consomment, et s'il est contaminé par ces sacs en plastique, donc c'est toute la santé de la population qui est aussi mise en jeu, mais aussi l'air frais que nous allons respirer tous les week-ends. Si l'air est vraiment pollué, et vous constatez que la santé de la population est vraiment menacée. C'était Pierre Ndouaille, au président de l'Association burundaise des consommateurs. Des vidéos de deux chimpanzés errants dans différents endroits de la mairie de Bujumbura ont circulé sur les réseaux sociaux ce jeudi. Le directeur général du tourisme affirme qu'ils se sont évadés du musée vivant de Bujumbura et ajoute qu'ils ont blessé deux personnes, dont un employé de ce musée. Jack Wigilimana tranquillise la population qui vont être appréhendés. Il explique qu'ils ont fait recours aux experts en provenance de la Tanzanie pour exécuter ce travail. Ce directeur général précise que des fils électrisés vont être installés autour de leurs enclos. Écoutez-le dans cette traduction de Jean Bosco Nduimana. Twashaka kubwira ko ibibaye muri mize viva aho impamvu zitoroka ntibaye mu Burundi gusa muri mize viva gusa. Des cas où des animaux s'évadent de leurs enclos se produisent même ailleurs. C'est lorsqu'ils ont besoin d'une balade à l'extérieur. Nous avons alors fait tout notre possible pour les attraper et les ramener au musée, mais sans succès. Nous avons alors sollicité l'aide de la Tanzanie. C'est pour cela que des experts tanzaniens sont en route pour le Burundi. Ils vont leur injecter de loin des piqûres qui vont les endormir. Nous assurons la population qu'aujourd'hui, cette question sera résolue. Autre chose que nous envisageons de faire, c'est l'installation des fils électriques pour empêcher à ces animaux de s'évader. Dans d'autres pays, on le fait ainsi. Mais on met une énergie moyenne qui ne les tuera pas. Et cette énergie les empêche seulement de s'accrocher longtemps à ces fils. Et lorsque les animaux réalisent que s'ils touchent à ces fils, ils vont être frappés par le courant électrique, ils n'essaieront plus. Dès la semaine prochaine, des experts vont commencer à les installer. Nous nous excusons auprès des personnes qui ont vécu des situations déplaisantes. J'ai eu des informations que deux personnes ont été blessées, une qui travaille au musée vivant de Bujumbura et un agent de sécurité. Sachez que nous allons faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus. Tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo izo mpamvu zisubire gutoroka. Actualité internationale. En actualité internationale, le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé ce jeudi la poursuite de la construction du mur à la frontière mexicaine. L'administration Biden l'a annoncé, mais avec quelques difficultés pour l'assumer, car c'est une volte-face importante. Selon les informations de la radio de France internationale, c'était l'une de ses premières décisions après son investiture, stopper la construction du mur à la frontière décidée par l'ancien président Donald Trump en janvier 2017. Son idée était de construire un mur qui s'étire sur toute la frontière mexicaine afin de stopper l'immigration illégale. Son secrétaire à la sécurité intérieure de Joe Biden explique qu'il y a un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière afin d'empêcher les entrées illégales sur le territoire américain. Du côté de la Mexique, cette barrière n'a jamais empêché ni le départ des migrants qui fuient leur pays d'origine ni leur passage sur le territoire américain, quels que soient les moyens, même dangereux. Plus de 800 personnes sont mortes à la frontière l'année dernière. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et fidèle. Albert Ndouaïo assurait la mise en onde. Doré Bingabile j'étais à la présentation. Excellente suite des programmes sur Isanganiro.